Lettre 20e. Continuation de la lettre d'Evelina. Nos places étaient prises sur le devant d'une loge de côté. Sir Clement Willoughby, qui savait que nous irions au spectacle, nous attendit à la porte pour nous présenter la main. Dès que nous fûmes entrés, Mylord Orville, que j'avais déjà remarqué dans le balcon, vint nous trouver. Il nous fit l'honneur de passer toute la soirée dans notre loge. Miss Mirvan et moi, nous nous félicitâmes de l'absence de Madame Duval, et nous nous flattâmes du moins que la conversation ne serait pas interrompue par les querelles du capitaine. Mais je vis bientôt que j'avais peu gagné. Loin d'oser parler, je ne savais de quel côté tourner les yeux. On jouait amour pour amour. Quoique cette pièce soit écrite agréablement et avec esprit, je ne compte pourtant pas de la revoir. Elle manque entièrement de délicatesse, pour ne pas dire davantage. Miss Mirvan et moi, nous fûmes décontenancés presque à chaque scène. Nous n'osions risquer la moindre remarque, ni même écouter celle qu'on faisait autour de nous. J'en étais d'autant plus fâché que Mylord Orville était d'une humeur charmante. J'étais bien aise de voir la fin de cette pièce. J'espérais que je pourrais respirer plus librement. Mais à peine la toile fut-elle baissée que je vis entrer dans la loge M. Lovell, cet homme qui, par ses impertinences, m'avait tant tourmenté au bal où je vis Mylord Orville pour la première fois. Je voulais éviter sa conversation et je me tournai vers Miss Mirvan. Je ne pus cependant lui échapper, et dès qu'il eut salué le Lord Orville et Sir Clément, qui le reçurent froidement, il se pencha de mon côté et me dit « Madame s'est toujours bien portée depuis que j'ai eu l'honneur, je ne dirai pas, de danser avec elle, mais de la voir danser. » Son ton de complaisance ne me laissa pas de doute que ce compliment ne fût préparé pour servir de représailles à mes procédés le jour du bal. Je n'y répondis point, et je me contentai d'une légère inclination de tête. Après un moment de silence, il m'apostropha de nouveau d'un air nonchalant et familier. « Madame a-t-elle été ci-devant à Londres ?»« Non, monsieur. » »« Je m'en doutais bien. Tout doit vous y paraître bien neuf. Nos usages, nos mœurs, nos étiquettes ressemblent peu à celles de province. Je suppose d'ailleurs que votre séjour est à quelque distance de la capitale. » J'étais outré de ces propos ironiques et je les passai entièrement sous silence. Que ne parlais-je plus tôt ? Mon embarras ne fit que l'encourager et le divertir. Il continua avec la même affectation. L'air que nous respirons ici, quoique différent de celui auquel vous êtes accoutumé, madame, est-il convenable à votre santé ? Mylord Orville. Monsieur Lovell, avec de bons yeux, vous eussiez pu vous épargner cette question. Monsieur Lovell. Ah, Mylord, si la santé était toujours ce qui fait le teint des dames, sans doute mes yeux auraient pu porter un jugement infaillible, mais... Madame Mirvan. De grâce, monsieur, point de ces mots à double entente. Vous pouvez avoir réussi à relever l'éclat du teint de Miss Anville, mais vous ne parviendrez pas à le rendre suspect. Monsieur Lovell. Vous me faites tort, madame. Je ne prétends pas dire que le rouge est le seul substitut de la santé. Il y a tant de causes qui produisent le même effet. Par exemple, un mouvement de colère, de fausse honte. Tout cela ne peut-il pas contribuer à rehausser le teint ? Le capitaine. Des causes comme celle-là, il faut les chercher chez des personnes qui en sont susceptibles. Sœur Clément. La remarque est juste. Le teint naturel n'a rien de commun avec la fougue passagère des passions, ni avec toute autre cause accidentelle. Le capitaine. Non, certes, car, tenez, tel que me voici, je n'ai pas plus de couleur qu'un autre, et cependant, si vous me mettiez en colère, vous me verriez, par la semble, plus rouge que toutes ces Jézabelles plâtrées qui s'assemblent ici. Mylord Orville. Si je ne me trompe, il n'est pas si difficile de distinguer le teint naturel de celui qui est emprunté. L'un offre des nuances, l'autre, trop uniforme, manque de cette vivacité, de cet éclat, de ce je ne sais quoi qu'on a peine à définir. Sœur Clément. Mylord est généralement reconnu pour connaisseur en beauté. Monsieur Orville. Et vous, Sœur Clément, pour un enthousiaste. Sœur Clément. J'en suis fier, réellement. Dans une telle affaire et devant de tels objets, il suffit de ne pas être aveugle pour être enthousiaste. Le capitaine. Trêve de tout ce bavardage. Les femmes ne sont que trop vaines déjà, sans qu'il soit besoin de les enorgueillir davantage. Sœur Clément. Obéissance aux ordres de l'officier commandant. Choisissons un autre sujet. Vous êtes-vous bien amusées, mesdames, à cette pièce ? Madame Mirvan. Elle est assez amusante. Ce n'est pas là son défaut. J'y ai trouvé des tâches que je voudrais en voir effacées. Mylord Orville. Je me serais fait fort de répondre à la place de ces dames. Cette pièce n'est pas d'un genre à mériter leur suffrage. Le capitaine. Et pourquoi non? N'y a-t-il peut-être pas assez de sentiments? Pour moi, je soutiens que c'est une des meilleures comédies de notre théâtre. Il y a plus d'esprit dans une seule scène que dans toutes les pièces nouvelles ensemble. Monsieur Lovell. Quant à moi, je fais rarement attention aux acteurs. On a assez d'ouvrages à chercher ses connaissances, et il ne reste guère de temps pour songer au théâtre. Quelle est, je vous prie, la pièce qu'on vient de représenter? Le capitaine. Comment, diable, vous venez au spectacle sans savoir ce qu'on joue? Monsieur Lovell. Cela m'arrive à tout moment. Je ne lis point les affiches et je ne viens ici que pour voir mes amis et pour montrer que je suis encore en vie. Le capitaine. Ainsi, il vous en coûte 5 shillings par jour pour montrer au public que vous êtes en vie. Ma foi, dussent tous mes amis me croire mort et enterré, je me garderais bien de les désabuser à un tel prix. Au reste, apprenez de moi une bonne maxime. Ceux qui auront quelque chose à recevoir de vous sauront bien vous trouver. Vous dites donc que vous avez passé ici toute la soirée sans savoir ce qu'on jouait? Monsieur Lovell. Une comédie demande tant d'attention qu'il est très difficile de la suivre sans s'endormir. D'ailleurs, c'est une heure si incommode. On y vient fatigué, les repas, le vin, les affaires domestiques, les études. Tout cela vous a déjà cassé la tête dans la journée, et on doit se tuer encore pendant la soirée à écouter avec attention une pièce de théâtre. En vérité, la chose est impossible. Mais je crois avoir une affiche sur moi. Voyons. Oui, la voici. Ah! Amour pour amour. Et comment pouvais-je être aussi stupide? Le capitaine. Oh, qu'à cela ne tienne, monsieur, mais par ma foi, voilà une des meilleures farces que j'ai entendues de longtemps. Venir au spectacle sans savoir ce qu'on joue. Et si, au lieu d'une musique d'opéra, on vous servait un concert de racleur, vous y donneriez du bec sans vous en apercevoir? Cette conversation fut poussée avec aigreur de part et d'autre. Quelques observations sur les caractères de la pièce fournirent une ample matière au sarcasme. J'en eus ma part. Monsieur Lovell me fit l'honneur de me demander ce que je pensais du rôle d'une jeune villageoise qui avait paru sous le nom de Miss Prue. Je lui fis une réponse assez indifférente et Sir Clément observa qu'un caractère comme celui-là était peu digne de mon attention. « C'est cependant, reprit le fat, le premier personnage de la pièce. Il est bien marqué, vraiment original. Des mœurs villageoises, l'ignorance rustique d'après nature, il est de main de maître, sur mon honneur. » Mylord Orville eut la complaisance de se charger de ma défense, et il s'en acquitta avec tant de succès que M. Lovell prit le parti de se taire et de se glisser hors de la loge dès qu'on eut commencé la petite pièce. Les propos insolents de cet homme me sont insupportables. Puissais-je ne le revoir jamais? Je l'aurais méprisé comme il le mérite s'il m'avait laissé tranquille. Mais puisque je vois qu'il me porte rancune de ce qu'il appelle mes mauvais traitements, je commence à le craindre. Madame Mirvan me donna en chemin une nouvelle inquiétude. Elle me dit que le ressentiment de M. Lovell pourrait aisément donner lieu à un duel s'il avait autant de courage que de colère. Cette idée me fait trembler. Cependant, un homme aussi faible et aussi frivole pourrait-il être vindicatif? Je pense qu'il se contentera de décharger sa bile contre moi. Mais il ne jouira pas longtemps de cette satisfaction, car nous partirons incessamment. Miss Mirvan m'a raconté que, pendant que M. Lovell me parlait avec si peu de ménagement, Mylord Orville le regardait d'un œil de pitié. Cela me tranquillise beaucoup. Il devrait exister ici un code des lois et coutumes à la mode, à l'usage des jeunes étrangers qui fréquentent pour la première fois les endroits publics. Nous allons ce soir à l'opéra, où j'espère bien me divertir. C'est la même partie que hier. Lord Orville en sera. Il a promis qu'il viendrait nous joindre.